nana, tout près de l'Alaska. On y va au ski Canada. Plus près du ciel, plus près de toi, plus près du ski Canada. Nous nous sommes aimés. Je t'ai dit je t'aime, tu m'as dit aime. On s'est embrassé, nous voulions nous épouser. L'ami t'a proposé.